Aimez-vous les gens que vous ne connaissez pas? Vous aimez aller à l'étranger? Oui et non. Est-ce que vous êtes jamais allé à l'étranger? Oui, en Espagne. Vous aimez les Espagnols? Les Espagnols que je connais, oui, mais les autres. Mais c'est ridicule. Il est impossible de ne pas aimer les gens qu'on ne connaît pas. Peut-être. C'est quand on connaît les gens qu'on ne les aime pas.